Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Lénine avant Lénine au cœur du tsar système. Vladimir Ilitch Ulianov est né en avril 1870 sur les bords de la Volga. Il n'y a pas de prédestination pour devenir révolutionnaire. Mais quel parcours intellectuel a emprunté Vladimir pour devenir Lénine? Quel parcours aussi de vie et quelle rencontre? D'où vient celui dont les idées et l'action ont bouleversé son temps avec des échos aujourd'hui encore? Oui, comment allumer le feu révolutionnaire? Il suffit parfois d'un rien, d'un geste, d'une étincelle. Étincelle, ça se dit iskra en russe. Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира, изменяет внешнюю действительность. L'activité de l'homme, s'étant définie une représentation objective du monde, transforme la réalité extérieure. Lénine. Bonjour Alexandre Zumpf. Bonjour. Iskra, étincelle, cette évocation de l'étincelle pour commencer à réfléchir sur ce destin très particulier, celui de Lénine, ça vous semble pertinent, c'est ça qui porte la pensée de Lénine? L'étincelle, il est une étincelle. Il est une étincelle, moi je dirais plutôt qu'il est un feu qui couve, qui était quasiment éteint en 1917, et puis qui tout à coup, dans les circonstances particulières de la Grande Guerre et de la première révolution de février 17, eh bien, s'est embrasé, a embrasé la Russie, a essayé d'embraser l'Europe, a fini par embraser le monde, et aujourd'hui, je ne sais pas si la flamme vit encore. Écoutez, on va y réfléchir toute cette semaine dans le cours de l'histoire avec cette réflexion très forte autour du personnage de Lénine associé à la révolution, on pourrait même dire aux révolutions russes de 1917. C'est pas un gamin, 1917, hein, il a déjà un sacré parcours. Non, tout à fait. On l'appelle même le vieux, mais on l'appelle le vieux depuis qu'il a 20 ans. Et c'est pas dû qu'à sa calvitie. Il a beaucoup pensé la révolution, il l'a beaucoup espéré, et en même temps, en 1917, il y a un peu renoncé. Je commence mon ouvrage par un discours à ce sujet-là du 22 janvier 1917 où il dit qu'il ne verra pas la révolution mais que les jeunes, eux, auront peut-être cette chance avec une voix un petit peu chevrotante en russe devant une assistance clairsemée et puis badaboum, la révolution arrive et là, la machine Lénine se met en marche. Cet ouvrage s'intitule tout simplement Lénine, il est publié chez Flammarion, Alexandre Zumpf. C'est une biographie de Lénine avec toute une réflexion à avoir sur ce parcours. Et d'ailleurs, le titre du premier chapitre, c'est « Comment devient-on révolutionnaire russe ?» C'est tout un programme en soi, mais ce n'est pas une évidence. Et c'est vrai que quand on regarde le parcours de Lénine, en tout cas ses origines, on se dit que il aurait pu être autre chose. Et d'ailleurs, vous l'évoquez dans l'ouvrage de manière très nette, il aurait pu être autre chose dans la Russie des tsars. Et oui, il aurait pu. Alors, il fait partie de cette bourgeoisie intellectuelle vaguement libérale, relativement athée, pas totalement non plus, qui fréquente les milieux révolutionnaires qui sont relégués un peu partout dans les petites villes de province. Donc lui, il habite une cité qui s'appelle Simbirsk, qui fait partie de la petite aristocratie des deux côtés. Une aristocratie qui a gagné à la sueur de son front ses titres de noblesse et qui a dû acheter d'ailleurs des propriétés pour correspondre à ce statut. Hein, et c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de financer au départ ses activités révolutionnaires. Et il est sensible à l'ère du temps, à ces populistes russes qui croient que la vérité révolutionnaire est dans le peuple. Ils sont populistes pas au sens actuel du terme, je ne donnerai pas de nom, mais au sens de le peuple est révolutionnaire par essence parce que le peuple est un collectif. Et c'est une vision totalement essentialiste du peuple, mais c'est pas grave, l'important c'est d'y croire. Et puis Lénine s'inscrit dans une longue pensée de ce que peut être le peuple avec nous aujourd'hui pour réfléchir à cette figure de Lénine avant Lénine. Corinna Machère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'université de Genève. Dites-nous tout de suite, vous êtes spécialiste de ces révolutionnaires russes. Peut-on dire que Lénine, c'est l'archétype du révolutionnaire russe? Est-ce qu'il est comme les autres ou est-ce qu'il se distingue? Alors, il est comme les autres. Il est nourri par les générations de révolutionnaires qui l'ont précédé. Et il est également, il se distingue parce que, comme l'a dit Alexandre Zumpf, les premiers révolutionnaires croyaient en la paysannerie, alors que lui ne croit pas en la paysannerie, même si à partir de 1905, il comprend qu'il faut, il a besoin de la paysannerie pour que la révolution puisse aboutir, puisque la paysannerie, c'est l'énorme majorité, enfin, c'est l'écrasante majorité de la population dans la Russie tsariste, mais donc il se distingue des précédents révolutionnaires parce que lui, il a foi dans le prolétariat, dans les ouvriers, et qu'il ne pense que c'est eux qui sont le moteur de l'histoire, et qu'il ne pense pas que les paysans, que la paysannerie peut est le moteur de l'histoire. Par contre, la paysannerie peut être utile pour accomplir la révolution. Et comment en arrive-t-il à penser ça? C'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et pour commencer, ben autant aller au moment de la naissance. Nous sommes en 1870 à Simbirsk. Aujourd'hui, la ville a changé de nom. Elle s'appelle Ulyanovsk. La ville s'appelait alors Simbirsk. C'était une petite cité endormie, au bord de la Volga. Un gros marché, spécialisé dans le transport des grains, du poisson, de la laine. La Volga présentée sur FR3, c'était en 1977. Alexandre Zumpf, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, l'auteur de Lénine, cette biographie chez Flammarion. Alors, Lénine, milieu social, papa, maman? Alors, du côté de son père, ce sont, enfin, des deux côtés, ce sont d'anciens paysans, hein. Alors, à génération moins deux du côté du père et moins trois du côté de la mère. Avec ceci de particulier que du côté de la mère, l'arrière-grand-père, était juif. Il était juif et il en avait marre d'être juif, c'est-à-dire d'être assigné à ce qu'on appelle la zone de résidence, essentiellement l'actuelle Biélorussie, les Pays-Baltes, la Pologne, etc., de l'Empire russe, et que donc il s'est converti pour pouvoir quitter la zone de résidence. Et puis il a fait donc de très bonnes études, il a permis à son fils de faire de très bonnes études de médecin, et ce fils, lui, a acquis des titres du coup de noblesse, hein, d'une noblesse évidemment de robe et pas du tout de sang, d'une noblesse qui récompensait les bons fonctionnaires de l'Empire tsariste. Le père de Lénine. Le grand-père. Le grand-père maternel. On est issu d'une famille liée à l'aristocratie russe, en tout cas la toute petite noblesse d'Europe, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, quand on évoque Lénine, on n'y pense pas du tout. Mais Lénine, de toute façon, comme beaucoup de penseurs de la Révolution, c'est un bourgeois. Hein, il grandit dans un milieu relativement privilégié, avec des domestiques. Mais ce qui compte, c'est la manière dont il est éduqué. Il n'est pas éduqué en bourgeois. Il vit dans un milieu bourgeois, mais il n'est pas éduqué en bourgeois, au contraire. Et ça, on le voit à travers la personnalité de sa sœur aînée, de son frère aîné. Hein. Toute la famille a fait de très très bonnes études. Ils étaient très talentueux. Alors, il y en a deux dont la vie a été interrompue de manière très très précoce, donc on ne sait pas ce qu'ils auraient donné. Mais la valeur des études, et peut-être qu'en ce sens-là, ça serait peut-être l'héritage d'ailleurs juif, hein, quelque part le peuple du livre, dit-on, et non pas le peuple élu. Donc ça, c'était très important, et aussi une certaine vision, du peuple idéaliste, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui distingue, moi, je trouve, Lénine, c'est que il a pris contact avec les paysans, non pas en allant prétendre les réformer, mais déjà tout petit, quand il allait dans ses propriétés, qu'il jouait avec eux, qu'il essayait évidemment d'être le meilleur, comme tout le monde, et qu'il n'était pas toujours le meilleur, mais c'était un bon petit sportif quand il était petit. Et puis il a été forcé à un moment donné d'y vivre parce qu'on lui a interdit de faire des études à partir de 1887 pour une stupide histoire de manifestation qu'il avait même pas organisée pour le coup. Et là, il s'est mis à se rendre compte d'une chose, c'est que le peuple avec un grand P, ça n'existait pas. En fait, il y avait des paysans. Il y avait non pas une paysannerie, mais des paysanneries. Et à ce sens-là, il est devenu marxiste sans le savoir. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir lu Marx, il a compris quelque part, en étudiant l'économie paysanne, qu'il y avait des classes sociales à la campagne. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Corinne. C'est que pour moi, c'est pas du tout, pas seulement utilitariste, sa vision de la paysannerie. Et c'est pas seulement parce que, évidemment, on se dit, il y a 80% de la population qui vit à la campagne, 90% qui vit à la campagne, 80% qui sont des paysans. Non, c'est aussi que pour lui, il y a des classes sociales à la campagne. Et c'est ça vraiment qui nous fait réfléchir. Lénine associé à Marx dans la pensée. Oui, mais Lénine jeune n'a pas encore lu Marx parce que Marx ne peut pas être diffusé. Alors, on parle sous le manteau et en tout cas traduit en russe. Corinne Amacher, sur ce Lénine jeune, nous sommes dans un milieu bourgeois, un milieu cultivé. Ces révolutionnaires russes, d'ailleurs, sont souvent associés à ce monde-là parce que, pour réfléchir, il faut avoir accès à la lecture. Oui, absolument. En fait, de toute façon, c'est toujours comme ça depuis le début. Les révolutionnaires sont issus des milieux, disons, privilégiés. Et ça, c'est le cas depuis la naissance du mouvement révolutionnaire, disons, dans les années 1860, au moment où le servage est aboli en février 1861. Ça marque aussi le début, l'émergence du mouvement révolutionnaire. Les premiers révolutionnaires russes sont des aristocrates. Si on pense, par exemple, à Bakounine ou bien à Alexandre Herzen, qui est considéré comme le père du socialisme russe, ce sont des aristocrates. Alors évidemment que ce milieu va se démocratiser, disons, dans les années 1860, parce que l'aspect en fait aux études supérieures s'ouvre assez largement, et donc c'est l'arrivée, disons, dans le milieu cultivé de ce qu'on appelle les raznachinsi, c'est-à-dire les, c'est une mauvaise traduction en français, disons les roturiers, et donc il va y avoir un mélange entre des aristocrates, des révolutionnaires, des militants issus de la noblesse, avec des révolutionnaires, des militants qui sont issus du monde marchand, ou qui sont des fils de prêtres par exemple, mais qui vont sortir de ce milieu et puis continuer des études, faire l'université, et puis ensuite devenir rentrer vraiment dans les milieux révolutionnaires et en faire presque leur profession. Mais si on regarde jusqu'au début du XXe siècle, on voit bien que les principaux dirigeants, enfin les dirigeants des partis, des grands groupes révolutionnaires et puis des partis sont généralement issus des milieux cultivés. Corinne Amacher, d'ailleurs, on peut rappeler ce qu'est cette Russie de la jeunesse de Lénine. Il naît en 1870. Les 11 premières années de sa vie, c'est sous le règne du tsar Alexandre II. C'est un monde très particulier, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, il y a, de la part de l'ensemble de l'Europe, un regard sur la Russie qui considère que c'est un pays, alors pour le dire violemment, arriéré. Le mouvement, il touche tous ces gens-là qui réfléchissent depuis la Russie à ce qu'est leur propre pays. Alors, en fait, ça a effectivement commencé à partir de l'abolition du servage en 1861. Et là, je crois qu'il faut rappeler quand même la rupture qu'a provoqué la défaite russe dans la guerre de Crimée, qui coïncide d'ailleurs avec la mort de Nicolas Ier, un tsar très autoritaire. Et cette défaite, c'est un choc absolument généralisé dans la société. C'est perçu comme une énorme humiliation après la victoire quand même russe contre Napoléon. Et cette guerre, elle a montré, en fait, au pays entier le retard technique, retard militaire, retard logistique de la Russie par rapport aux États européens. Et donc tout cela va être imputé en fait au mode de gouvernement, mais aussi au servage, qui est perçu maintenant comme un système qui empêche le décollage économique de pays. Et donc dans tout le pays, à tous les niveaux, il y a une prise de conscience très forte de la nécessité de la modernisation du pays afin de rattraper le retard économique et social de la Russie sur l'Europe. Et donc effectivement, l'abolition du servage en février 1861 va marquer le début d'une période de grandes réformes qui vont toucher beaucoup de domaines dans le pays, que ce soit militaire, de la justice, technique, etc. Et puis, donc il y a une prise de conscience du retard qui touche aussi la société cultivée, là où justement on trouve les premiers opposants au tsarisme. Et puis on a énormément de témoignages, de mémoires dans lesquels leurs auteurs expriment justement le choc de la Crimée. L'un d'entre eux dit même que voilà, la défaite de Sébastopol a éveillé notre pensée critique. Et donc, c'est tout le système sociopolitique qui va commencer à être, disons, soumis à réflexion, qui va être critiqué, et là va intervenir la question de la comparaison avec l'Europe occidentale. Alors, dans les milieux socialistes, la question du retard par rapport à l'Europe occidentale va se poser de deux façons. En fait, il y a ceux qui considèrent que la Russie doit rattraper le retard pour s'aligner au système européen, considéré comme plus démocratique aussi que le système russe, malgré ses défauts. Et puis, il y a ceux qui considèrent que le retard de la Russie va au contraire lui permettre d'éviter les erreurs et les erreurs de l'Occident, éviter aussi le capitalisme destructeur, la prolétarisation qui s'accompagne évidemment de tragédies humaines. Et donc grâce à cette paysannerie qui fonctionne selon en mode enfin à travers la communauté rurale ou villageoise, qui ne connaît pas la propriété privée des terres parce que la terre est redistribuée de façon périodique aux paysans, et bien donc on va prêter un certain nombre de socialistes vont prêter aux paysans en caractère socialiste qui auraient disparu des autres pays européens. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir éviter passer au socialisme sans passer par le capitalisme, grâce à ce retard russe, en quelque sorte, mais qui donc devient en quelque sorte un avantage. Par contre, ce qu'il faut quand même rajouter, je pense que c'est important, il est erroné, on le dit souvent, voilà, on fait une barrière très forte entre les populistes qui seraient tournés vers la paysannerie et puis les marxistes qui seraient tournés vers le prolétariat. C'est beaucoup plus fluide que ça. Il y avait des opinions très différentes à ce sujet et ce sont finalement deux points de vue qui cohabitent dans les milieux révolutionnaires jusqu'à la fin du 19e siècle. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et ça c'est très intéressant justement, ce que disait aussi Alexandre Soum, c'est que Lénine s'intéresse aussi aux paysans. Il ne regarde pas uniquement les ouvriers. Simplement, il considère que ce sont les ouvriers qui sont les moteurs de l'histoire. Et puis, il y a le tsar lui-même qui est confronté à toutes ces questions. Le tsar Alexandre II. Sa Majesté, le tsar. Je voudrais savoir d'abord si vous avez pris connaissance de la lettre ouverte que m'a adressée de Suisse Alexandre Herzen. Voici ce que m'écrit Hersen. Sire, donnez la terre aux paysans. Abolissez le servage. Guérissez les cicatrices sur le dos de nos frères. Sauvez le peuple. Épargnez le sang qu'il devra verser. Hersen est un émigré, un révolutionnaire, un journaliste. Trois raisons pour ne jamais lire sa prose, n'est-ce pas, messieurs? Il y a pourtant ici même quelqu'un qui estime que Hersen n'a pas tort et que le servage doit être aboli. Ah, et puis-je savoir qui? Moi. Un extrait du film Katia de Robert Siodmak, c'était en 1959. Oui, le servage est aboli en 1861. Alexandre Zumpf, quand Lénine naît en 1870, mais voilà longtemps que le servage est aboli, le tsar Alexandre II, c'est celui qui porte les réformes. Il y a ici la pensée à mettre vraiment au centre de ce qui nous intéresse autour de Lénine. Et vous l'avez bien dit, hein, il y a cette formation intellectuelle. Pour quelqu'un comme Marx, qui est déjà quelqu'un qui a écrit depuis longtemps, le manifeste du Parti communiste, c'est 1848, Marx voyait la révolution plutôt en Allemagne. Pour ces Russes-là, comment ils arrivent à intégrer cette idée du marxisme appliqué à leur propre pays? Ils ont l'impression qu'ils ont une spécificité russe dans ce mouvement révolutionnaire. Alors, oui, Corinne l'a très bien dit, certains pensent qu'il y a une spécificité russe. Elle ne disparaît jamais vraiment, hein, et tout ça, évidemment, est complexe, fluide, et Lénine lui-même fait beaucoup d'allers-retours, comme Marx, hein, qui a écrit tout et son contraire sur la paysannerie. Non pas parce qu'il se contredit, mais parce que sa pensée évolue, tout simplement, et qu'elle est aussi le fait des circonstances historiques. Alors, il se trouve que Lénine connaît l'allemand, et que donc il commence à prendre connaissance de la philosophie occidentale dans le texte, et surtout dans l'allemand, qui était la langue essentielle. Il faut dire que l'Allemagne, c'était le grand partenaire économique et industriel de la Russie à l'époque. Hein. Il y a l'alliance franco-russe quelques années plus tard, mais en fait, c'est une alliance qui est une aberration du point de vue des liens historiques entre les nations européennes. Et de ce point de vue-là, Lénine n'attend pas en fait que d'autres traduisent, même si effectivement le manifeste du Parti communiste est traduit, et aussi surtout le Capital, hein, le Capital qui est en voie d'élaboration, qui est ensuite inachevé, puis achevé par Engels et puis par Kautsky. Et ça permet de donner, je pense, moins des structures de pensée que une figure à laquelle se rallier d'une part. Et pour Lénine, on le voit quand il fait son premier séjour au printemps 1895 en Europe occidentale, ça lui permet de s'inscrire dans un mouvement, ce mouvement de l'international. La première ayant vu la confrontation entre les anarchistes bakouniniens et puis justement les marxistes, sociodémocrates, et puis la seconde internationale. Ça lui permet de s'inscrire, donc de se faire reconnaître, et en quelque sorte ça lui permet d'avoir une autre stature en Russie. Donc là, c'est assez instrumentaliste. Et d'un autre côté, est-ce que vraiment il a réfléchi, ou plutôt il n'a pas été un très très grand propagandiste du marxisme proprement dit, pardon. Et quand plus tard on a appelé sa pensée le marxisme-léninisme, chose qui à mon avis l'aurait horrifié, il y avait surtout beaucoup de léninisme et pas énormément de marxisme, si ce n'est voilà cette étiquette. Aussi, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure sur les paysans, c'est que quand même, il y a deux énormes impensées dans cette vision de la paysannerie. D'une part, le modèle de la commune rurale, donc du Mir, est un modèle qui n'existe en fait que dans une toute petite partie de la Russie riche du sud, des terres noires, donc de cette Russie méridionale. Elle ne vaut pas dans la plupart des territoires russes. Ensuite, il y a le fait qu'on oublie qu'il y a 40 millions de musulmans dans l'Empire russe à l'époque. Enfin, 40 millions, c'est les chiffres de 1917, mais disons qu'il y en a déjà 30 millions à l'époque, qui n'ont pas du tout ce système d'organisation, qui est un système clanique. Et enfin, il y a l'impensée des femmes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la démocratisation dont parlait Corinne tout à l'heure, bah, cette démocratisation, elle se voit non seulement par rapport à ceux qu'on appelle les roturiers, c'est-à-dire ceux qui franchissent en fait le plafond de verre, mais aussi par rapport au fait qu'un certain nombre de femmes s'engagent dans ces études, et notamment de femmes juives. Et c'est elles qui sont aussi des bataillons assez importants de cette nouvelle cohorte révolutionnaire. Et Lénine, il a eu son ascension, c'est un homme blanc de 50 ans, un peu chauve, hein, n'est-ce pas ? Mais il a aussi été toujours en contact avec des révolutionnaires femmes, et elles l'ont beaucoup aidé, et il les a aussi beaucoup aidées. Moi, c'est aussi ça que je voulais voir, c'est que je voulais, sur la chose que je voulais insister, et sur laquelle j'ai essayé d'insister dans mon ouvrage, c'est sur aussi démasculiniser cette histoire révolutionnaire. On oublie souvent que les révolutionnaires russes étaient aussi, et beaucoup, des femmes. Et d'ailleurs, la plupart des révolutionnaires russes réfugiés en Suisse ou en France, qui faisaient des études en France ou en Suisse parce qu'elles ne pouvaient pas le faire en Russie, étaient des femmes. Bah, on a évoqué le tsar Alexandre II, ce tsar qui est assassiné par un attentat en 1881, attentat, Corinna Machère, qui est mené notamment par une femme, hein, Sofia Perestrovskaya. Là, on a une grande figure de révolutionnaire. On réfléchit vraiment à comment Lénine s'inscrit dans ce long mouvement de la construction des révolutions en Russie. Oui, alors juste pour reprendre par rapport aux femmes, c'est tout à fait juste. Les femmes sont très présentes dans les milieux révolutionnaires, et en fait, c'est à partir des années 1870 que cette présence accrue des femmes, enfin cette présence de femmes augmente énormément. Et ce qui est aussi très intéressant, et ce qu'a aussi dit Alexandre Soumf, c'est que elles sont plus dans l'ombre de leur mari comme elles l'ont été pendant longtemps, comme ont été par exemple les épouses des officiers des Sambristes qui se sont révoltés contre le tsar en 1825 et qui sont restés dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont suivi leur mari en Sibérie. Donc c'était un acte de sacrifice. Désormais, à partir des années 1870, ce sont des actrices à part entière, et je dirais même que le radicalisme féminin a été absolument central aussi pour la cause de l'émancipation des femmes en Russie, parce que les femmes révolutionnaires, elles luttaient pour la cause révolutionnaire, et pas pour l'égalité des femmes spécifiquement, mais par leur exemple, par leur parcours, elles ont transformé la vision des femmes dans une société russe très patriarcale. Alors, vous avez mentionné le nom de Sofia Perovskaya, effectivement, qui a participé de façon très active à l'assassinat de l'empereur en 1881, et qui sera d'ailleurs pendue en mars 1881 avec quatre autres terroristes, dont son compagnon, Andrei Zhilyabov. Mais on peut aussi mentionner Vera Zasulich, qui a d'ailleurs été la première femme à avoir commis un attentat contre un haut fonctionnaire du tsar en 1878, qui sera ensuite arrêtée, et qui va être en 1883 une des fondatrices, avec Georgi Plekhanov, du premier groupe marxiste russe à l'étranger, qui s'appelle l'émancipation du travail, donc en russe Освobождение труда. Mais on a aussi beaucoup d'autres femmes, et effectivement le rôle des femmes, des jeunes filles qui sont venues étudier, et en particulier en Suisse, puisque la Suisse est un des pays qui a ouvert ses portes aux universités aux femmes le plus tôt. Zurich, c'est 1867. Eh bien, ces femmes, elles viennent en Suisse, elles viennent pour étudier, ce ne sont pas forcément des révolutionnaires, mais une fois qu'elles se trouvent en Suisse, eh bien, elles vont, disons, s'ouvrir aux idées socialistes pour une raison très simple, parce qu'en Suisse se trouve un certain nombre de révolutionnaires célèbres, dont Bakounine à Zurich, et puis Piotr Lavrov Lavrov, qui est un autre révolutionnaire. Et donc, elles vont se familiariser avec les idées socialistes. Et lorsque ces femmes, un certain nombre de ces femmes, retournent en Russie, milieu des années 1870, eh bien, elles en reviennent très souvent. Leur but, c'est de lutter contre le tsarisme. Et puis après, évidemment, il y a toutes ces femmes d'origine juive qui très souvent en Suisse, c'est pratiquement le plus grand contingent féminin dans les universités suisses, ce sont les femmes russes et en particulier les femmes d'origine juive qui n'ont pas accès aux universités en Russie. Une grande diversité, on l'entend, hein, des parcours des révolutionnaires russes. Dans le cas de Lénine, vous nous l'avez dit, Alexandre Zumpf, il y a ici un bon élève, il fait de brillantes études, mais vous avez évoqué une manifestation, pas grand-chose, c'est même pas lui qui l'avait organisée. Il est déjà intéressé et proche de ces mouvements révolutionnaires. Alors, bon, Lénine n'est que le troisième enfant d'une famille de six, ou de cinq, tout à coup j'ai un doute. Et surtout, il a deux aînés qui sont eux déjà engagés dans les affaires révolutionnaires, qui sont des étudiants, et donc le milieu étudiant, par essence, et ça se voit encore aujourd'hui, est un milieu qui réfléchit d'abord, qui essaie de comprendre, et qui rejoue toujours le combat des anciens contre les modernes, enfin plus exactement des modernes contre les anciens. Et donc il faut quand même rappeler pour les auditeurs que Alexandre donc Oulianov, l'aîné des Oulianov, l'aîné masculin en tout cas, eh bien a fait partie d'un complot qui visait à assassiner le tsar Alexandre III. Complot qui a échoué, sans doute sur dénonciation, et Alexandre Oulianov a pris sur lui l'essentiel des charges, a refusé de demander une grâce, ensuite l'a demandé, mais le tsar Alexandre III ne l'a pas accordé, évidemment, son père avait été assassiné. Et donc Alexandre Oulianov a été pendu en 1887, à peine un an après la mort du père Oulianov. Et donc... ce n'est pas une vengeance de la part de Lénine en disant je vais essayer de tuer les Romanov puisqu'ils ont tué des Oulianov, hein, c'est pas une vendetta, mais ça a libéré une place. Ça a libéré une place parce que Alexandre était extrêmement brillant, il était pas moins brillant que Lénine, il était peut-être moins obstiné, on ne sait pas, quoique il en a fait preuve d'une certaine obstination puisqu'il savait très bien qu'il allait à la mort. Et à partir de ce moment-là, Lénine, donc qui est âgé d'à peine 17 ans, devient l'homme de la famille. Et l'homme de la famille, ça veut dire que c'est à la fois l'espoir, le pilier, celui qui doit aussi relever le drapeau révolutionnaire qui vient de tomber à terre. Oui, parce que d'avoir son frère qui est exécuté parce qu'il a participé à un complot qui n'a pas tué le tsar, mais il a participé quand même, c'est quelque chose qui, bien sûr, que marque Lénine, avec toujours ce mélange qui est complexe, hein, du point de vue que l'on peut avoir sur Lénine, entre cette bourgeoisie, l'engagement, la volonté de prendre la place du frère, sachant que le père lui-même était mort l'année précédente. Il est à un moment de choix. Comment ça s'opère, ces choix, pour lui? Il va à l'université. C'est vraiment là, ce terreau universitaire qui peut expliquer sa volonté de s'engager dans le mouvement révolutionnaire. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que on n'a pas beaucoup d'écrits de cette période-là. Il n'est pas encore très bien suivi par la police politique qui est l'Okhrana, qui ne le considère que comme le frère de. Hein, il ne s'est pas encore fait un prénom. Il n'est que le petit frère d'Alexandre qu'il faut surveiller, évidemment, parce que c'est de la mauvaise graine d'Oulianov. Et donc cette manifestation estudiantine sur des affaires, ce serait plutôt d'une manifestation de syndicaliste, hein, c'est pas sur à bas le tsar, mais il y participe dans des circonstances qu'on n'a pas très très bien élucidées. Les hagiographes disent qu'évidemment bouillonnait en lui des choses. Moi j'y crois pas trop. Il se fait prendre par la patrouille et évidemment le seul qui est puni c'est lui puisqu'il est le frère d'Alexandre. Et donc il est puni très sévèrement. On lui interdit de faire des études. Et ça c'est une grande erreur. Je pense que ça a été une erreur, non pas parce que, encore une fois, ça l'a mis en rage et qu'il a voulu se venger, mais parce que, il a dû se mettre en retrait de la société. Il a dû aller à la campagne. C'est là qu'il a étudié l'économie paysanne et qu'il a écrit son premier grand ouvrage qui a fait du bruit par la suite, même s'il a publié un peu plus tard. Et il s'est battu aussi pour la restauration du droit, de son droit. Et donc, il s'est battu pour l'état de droit qui existait en Russie, hein, qu'il n'était pas un État sans droit. Mais donc, se battre, c'est déjà entrer dans une lutte. Et à ce moment-là, ne pas accepter d'être puni par le tsar, ne pas accepter, comme Pushkin, d'aller en relégation ou comme Lermontov, d'aller se faire tuer dans le Caucase, eh bien, c'est une position de rupture. Et quand Corinne, tout à l'heure, a dit que les jeunes filles russes n'étaient pas forcément révolutionnaires, mais quand on est une jeune fille juive de l'Empire russe, aller faire des études en Occident, mais c'est une énorme double révolution personnelle. Moi, je crois que voilà, c'est pas seulement un modèle, ça veut dire se penser autrement soi-même. Et donc, il est devenu révolutionnaire, pas marxiste, pas populiste, mais peut-être qu'il n'avait pas très envie, en fait, de faire comme son frère aîné et sa sœur. On ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ces quelques mois changent sa destinée et le poussent, en quelque sorte, du côté, non pas de l'opposition, mais en dehors de la société. Il faisait partie de la meilleure société de Simbirsk et tout à coup, ce sont des proscrits. On ne les invite plus. On les ignore dans la rue. Ils sont obligés d'aller à la campagne. À un moment, même sa mère se dit « Bon, Volodia, allez, viens, on devient des hobereaux. » Bon, lui, ça ne l'a pas trop intéressé, évidemment. En revanche, il s'est dit « Mais moi, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes et donc je vais étudier cette question-là. » Et c'est par sa force intellectuelle qu'il s'est remis dans ce mouvement révolutionnaire et que quand il arrive dans ces milieux populistes hein, qui bon, vivotent un petit peu sur leurs acquis, qui font « Oh oui, le peuple, un jour, va se lever », lui, il dit « Non, mais excusez-moi, messieurs, dames, mais ça ne va pas. » Et à chaque fois qu'il arrive, il fout le bordel parce qu'il n'est pas d'accord. Et on dit « Oui, évidemment, c'est un jeune gommeux, un jeune godelureau, il veut se faire voir. » Mais le problème, c'est qu'il développe sa pensée et que quand il développe sa pensée, il est convaincant. Et à ce moment-là, il arrive ensuite à Saint-Pétersbourg où il est accepté pour finalement faire des études de droit. Et là, il rencontre d'autres jeunes qui ne sont pas satisfaits, qui n'ont pas forcément lu Marx tous, qui ne sont pas satisfaits du milieu révolutionnaire russe, qui trouvent finalement que les nihilistes, les terroristes, n'est pas terrible, que les populistes attendent que le peuple se réveille, et on peut attendre longtemps, et qu'il faut agir. Et il se trouve aussi que Saint-Pétersbourg, il a été exclu de l'université à Kazan, en fait, il était à Kazan, hein, donc sur la Volga, grande ville sur la Volga, il se trouve que Saint-Pétersbourg, il y a une classe ouvrière, qu'il n'y avait pas vraiment à Kazan. Et donc là, vous voyez encore le rôle des contingences, du hasard. Il aurait fait ses études continuellement à Kazan, et puis il serait allé à Moscou, qui est une grosse bourgade commerçante, avec bien entendu une industrie textile ou une industrie du sucre, mais c'est de l'industrie agroalimentaire. C'est pas la même chose que le prolétariat ouvrier de Saint-Pétersbourg. Et là, il rentre dans cette université. Il y a sa sœur aînée, qui elle-même a été punie hein, dans l'affaire de du frère aîné. Donc elle, c'est la première des enfants Oulianov, Anna, qui est mariée à un militant marxiste. Et donc, ce n'est pas non plus par elle qu'il devient marxiste. C'est en fait grâce à la rencontre notamment de deux personnes, Julius Martov, donc un juif révolutionnaire qui sera le grand leader des mencheviks. Ils vont se disputer dès 1903. Et puis, Gleb Klijanovski qui lui fait des études d'ingénieur. Et donc, on a un avocat, un étudiant en lettres, philosophie, et donc cet ingénieur qui monte un groupe, et un groupe de quoi ? D'éducation marxiste. Et c'est là qu'il devient, qu'il prend, il sait pas juste, il va voir des ouvriers en leur disant « Oui, Marx a dit, Marx a fait, et donc il faut faire. » Non, il se décide à agiter la grève, à prendre contact dans différents quartiers ouvriers, notamment le quartier de Viborg, ou près de l'usine Poutilov, qui deviendra l'usine Kirov, avec des ouvriers, à donner des cours du soir, et on fait aussi la révolution en l'enseignant. Et c'est aussi comme ça qu'on se façonne soi-même comme révolutionnaire. Mais dès cette époque-là, il y a un trait assez notable chez Lénine, que j'ai constaté dans ses petits écrits de l'époque, c'est qu'il n'est pas question véritablement d'écouter les ouvriers. C'est vraiment leur apprendre comment être un révolutionnaire. Ah oui, parce que ça, c'est vraiment l'étincelle que nous évoquions au début. Il y a besoin d'une étincelle pour tout lancer. Corinna, ma chère, étudier les révolutionnaires russes, c'est aussi réfléchir au phénomène de génération. Avec Lénine, nous sommes à une certaine génération de ce mouvement-là qui est né au milieu du 19e siècle, mais qui s'adapte selon les contextes. Lénine sait que la Commune de Paris a été un échec. Il faut trouver toujours d'autres modalités pour changer. Et alors là, maintenant, on est sur des réflexions beaucoup plus profondes sur le capitalisme, mais pas seulement. C'est une génération particulière, Lénine. Alors, c'est la génération aussi qui agit lorsque le tsar a été assassiné en 1881. Et cette génération de révolutionnaires terroristes qui, elles-mêmes, étaient devenues terroristes parce qu'ils avaient subi les désillusions des premières années du mouvement révolutionnaire. Je rappelle quand même que durant l'été 1874, on a des centaines de jeunes gens et aussi de jeunes filles qui sont issues des milieux estudiantins qui vont partir dans les campagnes dans l'espoir de pouvoir ouvrir la paysannerie aux idées socialistes et peut-être, qui sait, peut-être les amener à se révolter contre le tsar. C'est un échec vraiment très très fort parce que la paysannerie d'abord ne reconnaît pas cette jeunesse venue des villes, venue lui prêcher le socialisme. Elle se demande pourquoi ces seigneurs qui encore jusqu'à peu les exploitaient soudain veulent venir leur apporter leur aide. Et donc ça va être un échec absolument énorme. En fait, la plupart de ces jeunes personnes vont être arrêtées. Certains vont croupir vraiment en prison dans des conditions effroyables jusqu'à leur procès en 1878. Et lorsque ces personnes, ceux qui survivent, sortent de ces prisons, eh bien, elles en sont sorties beaucoup plus radicalisées qu'elles n'en étaient entrées, parce que le mouvement de la marche au peuple était un mouvement pacifiste. Et donc, à partir de là, il y a toute une réflexion sur comment agir, et comment agir dans un contexte où, précisément, le peuple ne semble pas prêt à se révolter. Et là, c'est la question de la violence révolutionnaire qui commence à entrer dans les discussions des grandes organisations, et en particulier dans l'organisation de la volonté du peuple, la Narodnaya Volia, qui va être responsable de l'assassinat du tsar en 1881, et précisément le frère de Vladimir Ulianov, Alexandre, fait partie de cette organisation qui déjà en 1886 n'existe pratiquement plus, mais c'est quand même au nom de cette organisation qu'il agit et qu'il fomente, qu'il souhaite fomenter l'assassinat du tsar. Évidemment, ça va être en échec, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure. Et donc, Lénine s'inscrit dans cette période où finalement les actions précédentes ont abouti à des échecs. Échec de la propagande socialiste pacifiste dans les campagnes, échec suite à l'assassinat du tsar en 1881 parce que les révolutionnaires pensaient que voilà, l'assassinat du tsar allait permettre d'abattre le tsarisme, donc la révolution politique pourrait être accomplie et puis qu'ensuite, eh bien, ce serait l'œuvre suivante, ce serait l'accomplissement de la révolution socialiste. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'assassinat du tsar, eh bien, l'autocratie s'est rigidifiée et que les deux derniers règnes, le règne d'Alexandre III, qui dure jusqu'en 1894, et puis le règne de Nicolas II, qui dure jusqu'en 1917, sont des règnes très autoritaires, très réactionnaires, et comment faire donc dans une telle circonstance? Et donc, toute l'affaire de Lénine, ça va être de réfléchir à comment s'organiser. Comment les révolutionnaires doivent-ils s'organiser? L'organisation, c'est la grande obsession, la grande idée de Lénine. Il faut s'organiser dans un contexte autocratique où on ne peut pas agir librement comme c'est le cas, ou plus librement comme c'est le cas, par exemple, en Allemagne. Les partis sont interdits, on ne peut pas se... Le simple fait d'aller parler de socialisme dans des groupes peut nous valoir la prison. Et comment on fait, comment on s'organise dans de telles conditions? Et ça, ça va être la grande question des Lénine, la question de l'organisation et surtout le fait qu'il est absolument nécessaire de créer une organisation qui soit une organisation clandestine, très bien organisée, mais aussi pour éviter justement de se faire décimer dès qu'on apparaît à la surface. Ce sont des discussions qui avaient déjà cours dans les années 1870. Certains révolutionnaires déjà à l'époque disaient « mais il faut absolument créer une organisation clandestine, centralisée, parce qu'autrement, ben, on est pris dans les filets de la police très facilement. » Et la question est là, que faire? Les ouvriers, avons-nous dit, ne peuvent pas avoir encore la conscience sociale-démocrate. Celle-ci ne peut leur venir que du dehors. L'histoire de tous les pays atteste que, par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience très unioniste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicat, mener la lutte contre le patronat, réclamer du gouvernement telle ou telle loi nécessaire aux ouvriers. Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Tchaïkovski avec nous. Ici, on vient d'entendre un extrait de Que faire, ce texte de Lénine de 1902, lu par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire sur France Culture. Dites-nous, Alexandre Zumpf, c'est quoi ça, Que faire en 1902? C'est formidable parce que ce titre lui-même est porteur d'une longue histoire. Tout à fait, c'est là une référence à un ouvrage très célèbre donc d'un penseur plutôt de la génération précédente qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Que faire, donc Tchernychevski Nikolai de son doux prénom qui déjà posait donc cette question dont parlait Corinne à l'instant. Que faire qui a été le livre de chevet de toute une génération, mais qu'en fait Lénine a mis plusieurs fois à lire, ça l'a jamais vraiment intéressé, puis finalement il s'est dit bon, si mon grand frère regrettait l'aimait tant que ça, je vais le lire. Il y a trouvé une forme de feu révolutionnaire, mais au fond, on ne peut pas dire que ça l'ait beaucoup inspiré par la suite. En revanche, évidemment, reposer la question, c'est doublement provocateur. Ça montre que, un, la question n'a pas été réglée depuis 1864, et que de l'autre côté, la réponse non plus n'a pas été trouvé et que lui il va donner la réponse. Et c'est vrai que ce pamphlet en fait majeur qui est signé Lénine, et c'est à ce moment-là donc que Oulianov se fixe, enfin plus exactement que la réputation fixe à Oulianov l'un de ses très nombreux pseudonymes. Donc à l'époque il signe N Lénine, hein, donc ça restera longtemps, même il signe certains premiers décrets en 1917 de N Lénine, hein, il n'a pas encore VI Vladimir Ilitch. Donc ça lui donne une aura considérable parce que il est doublement provocateur aussi dans l'ouvrage. Comme on l'a entendu, il estime en effet que la classe ouvrière, sa maturation, sa conscientisation, on va dire, politique, est trop progressive et que au final, si on regarde bien, ça ne sera jamais de la révolution, ça sera que de la demande de réforme. Et que donc il faut faire la révolution au nom du peuple, avec certains éléments de ce peuple du prolétariat, et ensuite lui rendre. Bon, ensuite quand et comment, on ne le sait pas encore, et que pour ça, effectivement, il faut avoir une organisation clandestine, d'abord pour ne pas se faire piéger comme lui l'a été dans sa première organisation en 1895, et là aussi je pense qu'il y a eu une erreur de la part de la police à cette époque, je reviens juste un petit peu en arrière, en 1895, donc ils fondent une union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, avec ses deux compères et quelques autres dont j'ai parlé tout à l'heure, et alors que n'importe quelle police politique aurait pris soin de laisser se développer ce groupe et ensuite de faire un immense coup de filet, un gros coup. Et à peine ont-ils eu quelques réunions qu'il y a un coup de filet, qu'on les emmène en prison, qu'on les interroge vaguement, qu'on les condamne à la relégation en Sibérie, puis qu'ensuite on les libère et en 1900 tout ce beau monde est expulsé à l'étranger et se retrouve en Suisse ou en Allemagne. Ou ensuite en France. Lénine, on ne l'y prendra pas deux fois. Ah oui, donc il fait son petit séjour en Sibérie, oui. Ça dure pas très longtemps, et après c'est direction la Suisse. Il a pris au moins 10 kilos, il allait à la chasse, il a pu se marier là-bas, il a fait venir sa belle-mère. Enfin bon, c'était la belle vie, au frais du tard. Il s'est même fait envoyer, ça c'est quelque chose que j'ai appris, ça m'a beaucoup amusé, comme il chassait beaucoup, mais qu'il avait un fusil qui était pas très bon, et il avait beaucoup le sens de la compétition, Lénine, il a choisi le meilleur fusil sur catalogue, et il a demandé à son petit frère de lui envoyer. Voilà, ce qu'on n'aurait pas pu faire quand on était au goulag, hein, évidemment. C'est clair. Donc c'était quand même une vie relativement sympathique. Il avait en plus une pension de l'État tsariste, hein, en tant que relégué. On ne laissait pas sans ressources. Et puis, il part auréolé malgré tout de ce statut de relégué. Ça fait toujours bien sur une carte de visite de révolutionnaire. Mais là, il se rend compte qu'on ne l'a pas attendu. Il demande que le journal, donc l'ISCRA, le premier journal social-démocrate, soit un journal où il y ait non pas des débats théoriques, mais des conseils pratiques à la révolution, et tous les autres, les Plekhanov, les Assoulitch, les Struve lui disent, bon, tu vas, les Potressov lui disent, mais tu vas un peu vite en besogne, mon petit gars, attendons d'être d'accord entre nous avant d'apprendre aux autres à être des révolutionnaires. Et Lénine dit, non, il faut d'abord faire la révolution et ensuite on discutera. Et c'est ça qui a pas plu. Et la deuxième chose qu'il y a déjà aussi dans Que faire, c'est que, bien sûr, il en appelle au prolétariat, mais que il glisse aussi des choses sur la paysannerie. et en disant que il faut faire l'alliance de tous les prolétaires et qu'il y a des prolétaires au sein de la paysannerie qui sont les ouvriers agricoles, qui sont les paysans pauvres, et il ne faut pas les négliger. Et ça aussi, ça fait hausser le sourcil, notamment dans les milieux socialistes européens, qui disent mais bon, il est bien gentil ce petit gars, mais c'est pas la doxa, c'est pas ce que Marx nous a dit. Et il y a quand même un grand défenseur de l'orthodoxie marxiste, qui est celui qui a achevé donc le quatrième tome du Capital, qui est le social-démocrate allemand Karl Kautsky, que Lénine a traduit en russe certains de ses ouvrages, et qu'ensuite il a pris pour meilleur ennemi. Et ça aussi, Lénine, il est très fort. Il prend toujours des ennemis, des adversaires plus forts que lui ou plus connus que lui, pour d'abord pour réfléchir. Et ensuite, pour se faire connaître. Mais c'est un double mouvement, c'est-à-dire que c'est pas que instrumental. Et il a besoin, en fait, de se fixer un point à dépasser. Et ce point à dépasser, au départ, ça a été Plekhanov. Et ensuite, ça a été Kautsky, qui a été son grand adversaire. Et puis, il y en a eu toute une série tout au long de son parcours intellectuel. Mais donc, Que faire est un tournant. C'est le tournant majeur dans la vie révolutionnaire de Lénine, avant d'être le tournant dans la social-démocratie russe. Ce pamphlet, c'est 1902, avec Corinna Machère. On l'entend ici, cette vivacité de réflexion de ce monde révolutionnaire, avec tant et tant de voix possibles. C'est une histoire qui ne peut se comprendre que de manière internationale, avec des déplacements sans cesse, une histoire très incarnée, avec énormément d'acteurs, certains oubliés, sans doute effacés aussi, et puis certains qui prennent le dessus. Mais c'est cette vivacité qui nous surprend aujourd'hui encore. Oui, vous posez la question à moi ? Oui, Corinna Machère. D'accord, comme on ne se voit pas, ce n'est pas toujours facile. Oui, avant de répondre à la question, je voulais juste rajouter une toute petite chose qui me semble intéressante. Ce que disait tout à l'heure Alexandre sur la vie, en fait, très agréable de Lénine en Sibérie. Dans les années 2000, en Russie, il y a eu une série de manuels d'histoire russe de tendance monarchiste qui ont été publiés, qui ont eu un certain succès à cette époque. Et puis, les auteurs étaient évidemment très, très anti-Lénine, et ils se sont beaucoup attardés sur les conditions de vie de Lénine en exil. Ils ont expliqué que précisément Lénine avait vécu comme un roi aux frais de l'État, dans une grande, ils décrivent ses conditions de vie, les paysannes qui lui lavaient ses affaires, qui lui préparaient à manger, que lui se promenait, il discutait avec les autres exilés, il s'occupait de chasse, et que en fait la réponse de Lénine à la bonté de l'État russe, et la bonté du tsar russe aussi, eh bien sa réponse a été la haine de la Russie, la haine de l'orthodoxie et son désir de destruction. Donc les conditions de vie de Lénine sont, on fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Mais contrasté avec sa très très grande précarité quand même, une fois qu'il était en exil. Hein. Là, absolument. D'autant qu'il dépensait tout son argent pour ses publications et qu'il allait sans cesse mendier auprès du SPD. Donc il a été quand même placé en exil. Parce que aussi il servait de lièvre à la police politique, et il le savait, mais il s'en fichait parce qu'il avait d'autres manières de procéder pour bien se dissimuler. Et donc, il en a voulu. Il a passé plus de temps en exil quasiment qu'en Russie. Où ça ? Absolument. Alors il y a la Suisse. La Suisse. Il a vécu en Angleterre. Et il a vécu 4 ans à Paris entre 1908 et 1912. Il a vécu ensuite à Cracovie. Pour l'essentiel, il est allé plusieurs fois en Suisse, hein, Genève, Zurich. Il a vécu très brièvement aussi en Allemagne, mais son séjour le plus long, ça a été en France, le plus long d'un seul tenant, ça a été en France et à Paris, donc dans le Paris des révolutionnaires russes et des étudiants pauvres russes du petit Montrouge, en gros, et des Gobelins, voilà. Cette police qui inquiète, cette police secrète des tsars, hein, qui est inquiète par ce monde-là, c'est l'Okhrana, la police secrète des tsars. Vous avez, Alexandre Zumpf, publié un ouvrage sur cette police qui s'avère absolument inefficace, en tout cas dans le cas de Lénine, on le voit bien. On parle beaucoup de la pensée de Lénine. Arrêtons-nous un peu sur son physique. De petite taille et de corpulence plutôt lourde, avec des épaules légèrement relevées et une grosse tête plutôt rétrécie au niveau des tempes, Vladimir Ulianov avait des traits de visage grossiers. Je dirais même peu attrayants. De petites oreilles, des pommettes saillantes, un nez court, large et un peu aplati, et par-dessus le marché, une grande bouche aux dents jaunies et très espacées. Totalement dépourvu de sourcils et couvert de taches de rousseur, Ulianov avait des cheveux blonds clairs, longs, ondulés, doux, légèrement bouclés et peignés en arrière. Mais toutes ces irrégularités étaient masquées par les deux charbons brun rond qui brûlaient sous ses sourcils. En parlant avec lui, on avait l'impression que son apparence peu avenante était effacée par la vue de ses yeux, petits mais extraordinaires, qui brillaient d'une intelligence et d'une énergie peu communes. Nous croisons régulièrement la photo de Staline jeune, beau gosse. Lénine, c'est autre chose. Ici, c'est une description que Jeanne Delecroix nous lisait. C'est tiré des mémoires posthumes d'Alexandre Naoumov, un personnage formidable qu'on trouve dans votre ouvrage Alexandre Zumpf, Lénine, publié chez Flammarion, parce que cet homme-là fait partie du dernier gouvernement du tsar. Il est ministre de l'Agriculture, mais c'est un camarade de classe, on pourrait le dire, de Lénine à Simbirsk. Et c'est marrant parce que ici, et vous l'évoquez, ce sont deux destins. Tout à fait. Alors oui, c'est celui que j'ai appelé pour m'amuser, le Poulidor de Simbirsk. Il a toujours été deuxième en classe, parce que devant lui, il y avait un génie qui était indépassable, qui était Lénine. Et ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé, c'est un peu par hasard, ses mémoires éditées. Donc il est mort à Nice en 1950, hein, en émigration, comme tout russe blanc qui se respecte. On peut dire que il n'a pas vécu une mauvaise vie au final. Et certes, il a dû quitter son pays, mais enfin bon, Nice, c'est pas non plus l'endroit le plus désastreux de la Terre. Il en voulait pas particulièrement à Lénine, et donc j'ai trouvé que c'était un récit. Alors l'essentiel n'est pas consacré du tout à Lénine, hein, ce sont des mémoires, mais tout ce qu'il raconte de sa jeunesse aux côtés de Lénine est en fait assez juste. Et donc effectivement, il donne un portrait qui fait pas très envie physiquement, mais il décrit aussi, et sans être un hagiographe, donc le fait que Lénine était considéré comme quelqu'un à part. Vraiment, qu'il était respecté, qu'il aidait aussi ses camarades quand il le fallait. Et ça, personne ne l'obligeait à le dire. C'est pas quelqu'un qui écrivait en Union soviétique dans les années 50. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, cette personne qui donc était du même milieu, qui a fait les mêmes études, qui n'a pas été chassé de l'université, qui n'a pas été placé en relégation, qui n'a pas été envoyé en exil, qui n'a pas eu de grands frères exécutés, eh ben, il est tout simplement devenu un bon technocrate russe de l'époque, qui est rentré dans le gouvernement technocratique par excellence, qui était le gouvernement provisoire, donc les gouvernements provisoires qui se sont succédés entre le début mars 1917 et le coup d'État bolchevique du 25 octobre. 7 novembre. Et ici, nous avons un personnage qui, ça y est, se dessine. Nous sommes allés, arrêtons-nous, en 1902, quand Lénine fait paraître son pamphlet. Que faire? Il donne la proposition. Corinne Amacher, les voies possibles, on le sent bien, hein, dans l'existence de Lénine, sont multiples, mais c'est comme dans toutes nos existences. Il y a des prises de décision, il y a les rencontres, il y a les hasards. Comment Lénine arrive-t-il à devenir aussi important? J'ai envie de le dire autrement. Est-ce qu'il y a eu la volonté par la suite d'effacer tous les camarades de Lénine pour n'en laisser qu'un, celui qui aurait mené le mouvement, Lénine? Alors, bon, ça, c'est la question de l'historiographie. On sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et là, effectivement, les vainqueurs, ce sont les bolcheviks, c'est Lénine. Et donc, ça a été d'autant plus facile, ensuite, à l'époque soviétique, dans l'historiographie, disons, d'effacer des mouvements qui n'avaient pas la même pensée que Lénine. Ou alors de les discréditer. Ça a été le cas, bien sûr, mais justement, la question des populistes. On a établi une frontière très très étanche en fait entre les populistes et les marxistes, alors qu'encore une fois tout était beaucoup plus fluide, et la question de la paysannerie a intéressé autant les révolutionnaires non marxistes qui se sont d'ailleurs aussi intéressés aux ouvriers très tôt, et les paysans ont intéressé également les marxistes. L'exemple de Lénine est très important. Donc une volonté d'effacer, il y a un certain nombre de révolutionnaires qui ont été effacés, qui ont été pratiquement sur lesquels on n'a pas pu travailler pendant l'époque soviétique. Tous les révolutionnaires qui ont précédé justement le marxisme, et puis bien sûr il y a aussi des marxistes mais qui n'étaient pas des bolcheviks, qui ont ensuite été critiqués. On peut prendre l'exemple de Georgi Plekhanov, qui était quand même pendant longtemps le maître de Lénine. Il faut quand même se rappeler que le premier voyage que Lénine effectue en Suisse, c'est assez tôt, c'est en 1895, et il vient voir Georgi Plekhanov en Suisse, à Genève, pour justement, le but c'est de faire le lien, d'effectuer le lien en fait entre la théorie marxiste qui est élaborée à l'étranger et puis les groupes marxistes qui sont dans la pratique, qui sont en train d'agir sur le terrain. Et puis ensuite Georgi Plekhanov, qui deviendra un des chefs de file du menshevisme, qui émerge à partir de 1903, après le deuxième congrès du POSDR, Et puis Georgi Plekhanov qui ensuite voilà va devenir en disons va se venir en ennemi quelque sorte des bolcheviks et puis qui aura une mémoire disons assez ambiguë à l'époque soviétique. Donc oui. Voilà. Bah oui, voilà, mémoire ambiguë avec ces mencheviks, ceux qui sont minoritaires aux bolcheviks, ceux qui sont majoritaires. Merci beaucoup à tous les deux, Corinna Machère, de nous avoir présenté ces mouvements révolutionnaires russes dans lesquels évolue Lénine. Et merci à vous, Alexandre Zumpf, avec ce Lénine que vous publiez dans la collection des grandes biographies de Flammarion. Un personnage extraordinaire, il n'y a pas à dire, parce qu'il a marqué, et toujours intéressant de revisiter depuis le début. Avec, je le rappelle, cette question, comment devient-on révolutionnaire entre parenthèses, russe. Tout un programme. Merci beaucoup. Merci à vous. Deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment identifier les morts pour la France ? Celles et ceux qui souhaitent honorer la mémoire des soldats morts pour la France peuvent se recueillir sur la tombe du soldat inconnu installé à Paris sous l'arc de triomphe de l'étoile depuis le 11 novembre 1920. Le mot « inconnu » signifie qu'après son décès sur le champ de bataille, ce soldat n'a pas pu être identifié. Il fait donc partie des centaines de milliers de victimes qui ont disparu au cours de la guerre sans que leur dépouille n'ait pu être rendue à leur famille. Dès les premiers mois du conflit, le nombre des morts atteignit un niveau effroyable. 300 000 combattants français furent tués entre le mois d'août et le mois de décembre 1914. Le 22 août, en une seule journée, 27 000 d'entre eux perdirent la vie. Face à cette hécatombe, le général Joffre décida que les victimes seraient inhumées dans des fosses communes pouvant contenir jusqu'à 100 corps. Comment, dans ces conditions, identifier les victimes de ces atrocités ? Depuis 1881, les militaires étaient dotés d'une plaque d'identité fabriquée en Maïchor, un alliage inoxydable de nickel, de cuivre et de zinc que chaque soldat devait porter en médaillon autour du cou. Les directives officielles précisaient que les plaques des soldats décédés devaient être ôtées du cadavre afin de suivre le livret militaire. Ce qui rendait pratiquement impossible l'identification des morts ensevelis dans des fosses communes. En 1915, on tenta de perfectionner ce procédé d'identification grâce au système dit de la double plaque, l'une en pendentif, l'autre en bracelet. Mais ce n'est qu'en 1918 qu'a été mis en place un nouveau modèle composé d'une plaque sécable que l'on pouvait casser en deux morceaux portant des indications identiques. Une partie restant sur la dépouille, l'autre étant remise au service administratif de l'armée. Dès la fin de la guerre, des avis de recherche indiquant la localisation exacte du corps, les objets personnels qui avaient été retrouvés, ainsi que des renseignements sur l'état bucco-dentaire furent publiés sur l'ensemble du territoire national. Mais malgré ces efforts, on estime que le nombre des soldats morts pendant cette guerre qui n'ont jamais pu être identifiés dépasse sans doute le chiffre de 460 000, soit le tiers des combattants français ayant disparu au cours des combats. Les efforts visant à identifier les victimes se sont poursuivis jusqu'aujourd'hui. Les progrès de la recherche scientifique ont apporté leur contribution pour prolonger ce devoir de mémoire. Ce fut le cas en 1991 lorsqu'on découvrit, près d'un village de la Meuse, une fosse contenant 21 corps de soldats français. La plupart d'entre eux purent être identifiés grâce aux plaques d'identité plus ou moins oxydées. L'analyse des lambeaux de tissu et des galons en fil doré permit de conclure que certains d'entre eux étaient des officiers. Mais c'est grâce à la technique appelée odontogramme, qui fournit au dentiste un schéma des mâchoires et des positions des dents, qu'on a pu identifier le lieutenant qui commandait cette compagnie. Il s'agissait d'Henri Alban Fournier, plus connu sous son nom d'écrivain, Alain Fournier, l'auteur du Grand Mône, mort au combat le 22 septembre 1914. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson et Anne-Marie Zucker à la RTS, la radio-télévision suisse. Émission préparée par Jeanne Delacroix, Toscane Dudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloumé, Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.